Je m'en vais à Paris me changer les idées. Je prends le tramway et c'est bien cool de voir ces tronches de déterrés qui viennent ou sortent du boulot au bout de trois stations. Bah bonjour, je m'appelle Michel, je suis au chômage. Je suis au chômage, je n'ai pas un rond. T'aurais pas un franc, s'il vous plaît. Les mendiants, ils sont vraiment chiants. Les mendiants, je suis sûr qu'ils sont méchants. Méchants. Chez moi j'en ai mal. Je me dis que la prochaine fois, j'irai en caisse et ce sera banal. Mais un carrefour, paf, un carrefour, paf, un connard. Les mendiants, ils sont vraiment chiants. Les mendiants, je suis sûr qu'ils sont méchants. Je l'emmène au café, c'était le bon plan. Le black arrive, un mendiant énervé, j'ai tapé ce gros con. La meuf choquée, elle s'est cassée. Inutile de vous dire ce que j'ai fait chez moi le soir. Mais chez toi le soir. Oh. Les mendiants sont vraiment très chiants.